S'il croyait en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, il ne prendrait pas ses mécréants pour alliés, mais beaucoup d'entre eux sont pervers.